You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and on the web at kfai.org. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir, bonsoir. This is Freddy, and today's show is going to be about celebration and celebration of two different countries. On July 1st, it was Canada Day, and on July 4th, it's the Independence Day. So, half the show is going to be about Canada, and the other half is going to be about the USA. Various songs from various artists, different genres, and I hope you'll enjoy it. Allez, on y va. Bastille Day 2023. Join the Alliance Française in our celebration of Bastille Day. Bastille Day, or La Fête Nationale, is a national holiday in France that celebrates French independence and the storming of the Bastille prisons by citizens. Our celebration will take place on Friday, July 14, from 5 to 9 p.m. Enjoy live music, food and drinks, kids' activities, puppet shows, vintage cars, a flea market, Marie Antoinette herself, and more. This event will take place at our building, 227 Colfax Avenue North, Minneapolis, Minnesota, 5545. If you have more questions, feel free to check afmsp.org or call us at 612-332-0436. So, we're going to start the first part with Canada, and the first song is going to be from Sultans of String, and it's their national anthem, O Canada. And it's a bilingual version, and with a little bit of twist on it. Then we're going to listen to a classic from the 80s with Robert Charlebois with Je reviendrai à Montréal. I'll come back to Montreal. Then we're going to listen to Julien Gasque with Canada. J'ai besoin de revoir l'hiver

It was Sultans of String with O Canada, then Robert Charlebois with Je reviendrai à Montréal, and Julian Gasque with Canada. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Now we're going to listen to Beau Dommage, and the name of the song is Le Blues de la Métropole, the Metropolis's Blues. Then we're going to listen to La Souris Déglinguée playing Paris-Montréal Boogie, and that's moving quite a bit. Then Jeunesse Apatride with Montréal Béton, Montreal Concrete. Avec le blues, la métropole. pour toi. Et là, dans les trous de poche, pour la bête, je les cache. Tout le reste de l'homme, on est plus bon. On se met sous plus. Paris Boréal, Paris Boréal, Paris Boréal, vous êtes pas héroïdal. Paris Boréal, c'est où je viens. Beau dommage with le blues de la métropole, then la souris déglinguée with Paris-Montréal boogie, and then jeunesse apatride with Montréal béton. Hello, bonjour, this is Freddy Le Tite Idéal. Welcome to French and Francis radio show therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchinfluences@gmail.com. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. Join the Alliance Française in our celebration of Bastille Day. It will take place Friday, July 14, from 5 to 9 p.m. Enjoy live music, food and drinks, kids' activities, puppet shows, vintage cars, a flea market, and more. This event will take place at our building, 227 Colfax Avenue North, Minneapolis, Minnesota. Feel free to check afmsp.org for more information. Now we're going to listen to the 99ers. They are from the Twin Cities, but they came up with a song called Québécoise Punk Rockstar. And some is in English and some is in French. Then we're going to listen to Pickwick with Les Filles de Montréal, the Montreal Girls. And then a classic with Lynn Renault, Ma Cabane au Canada, My Cabin in Canada. Que les hivers durent au moins 9 mois, des semaines à moins 40 où tu sors presque pas. Mais je m'en calisse pas mal qu'il fasse chaud ou qu'il caille. Moi j'ai le cœur qui braille pour les filles de Montréal. Les yeux bleus de certaines m'ont fait faire des folies. Jeter dans le Saint-Laurent, prôner la monogamie. Aucune moche dans le bercail, c'est une fierté nationale. Moi j'ai le cœur qui braille pour les filles de Montréal. J'ai connu des princesses, j'ai connu des beautés,

s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage. Des anges dandy aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le top fait danser mes scandales en format original. Avec le grand pocket, on agaçait les filles

m'endors sur une quai. It was Ariane Moffat with Montréal, then La Bande Magnétique, also with Montréal, but a different one, and then Nancy Martinez with Quelle heure est-il à Montréal. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. KFAI is proud to present Pardner and Scrunchies at the Turf Club on Friday, July 7th. San Francisco-based group Pardner are touring behind their latest album, Peace Loving People, and they're teaming up with local band Scrunchies for an evening of slacker rock and indie punk. Eau Claire-based band Gash opens the show. Tickets for Pardner and Scrunchies can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. And now we're going to listen to Arthur Ashe with Sous les étoiles à Montréal, Under the Stars in Montreal. Then Dominique A with Par le Canada, Through Canada. And then we are going now toward the USA with Les Amis de la Louisiane, with La Bannière Étoilée, or the national anthem. Musique hypnotique, elle était trop chaude. Princesse mexicaine, au sourire de Mona Lisa. Je te respire et tu m'inspires. Sous les étoiles, chez la salle. Jolie sorcière, tu nous tirais les cartes. Le fou, la lune et l'amoureux. Le destin était si audacieux. Sous les étoiles, amour et hal. La luce de tes cuerpos était si belle. La luz de tu corazón, oh sí. Je n'ai pas voulu te voir mourir. Sous les étoiles, amour et âme. Une nuit d'hiver, par la fenêtre ouverte. S'envole un souffle au-dessus de la ville blanche et mystique. Sous les étoiles de la salle.

It was Arthur Ashe with Sous les étoiles à Montréal, then Dominic R. with Par le Canada, and Les Amis de la Louisiane with La Bannière étoilée. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now we're going to listen to Air with California. Air, the electronic band that was very famous in the late 90s and still famous. And then Isabella Gianni with Ohio, or Ohio, and Benjamin Biolay with L'Arizona, featuring Charia Mastroianni. Proche de l'Ohio, j'ai le moral à zéro. Je suis dans un Connaissez-vous la marche à suivre, les années qu'il vous reste à vivre? Avez-vous relu le grand livre? Vous attendons sur l'autre rive. Ça ressemble à la résonance. Aucun de nous ne reviendra. Suivi la consigne d'attendre qu'on vous fasse signe. En toute occasion, restez libre de ne jamais franchir la ligne. Ça ressemble à la résonance. Chacun de nous y passera. It was Air with California, then Isabella Gianni with Ohio, and Benjamin Biolay with L'Arizona featuring Chiara Mastroianni. Join the Alliance Française in our celebration of Bastille Day. It will take place Friday, July 14, from 5 to 9 p.m. Enjoy live music, food and drinks, kids' activities, puppet shows, vintage cars, a flea market, and more. This event will take place at our building, 227 Colfax Avenue North, Minneapolis, Minnesota. Feel free to check afmsp.org for more information. KFAI is excited to present the 2023 Minnesota Antiquarian Book Fair. It's a summer book fair for everyone, featuring books and manuscripts of historical interest, sourced from a variety of eras and perspectives. The Minnesota Antiquarian Book Fair welcomes both experienced and beginning collectors alike. Taking place on Friday, July 7th, from 3 until 7 p.m., and on Saturday, July 8th, from 10 a.m. until 4 p.m., the Minnesota Antiquarian Book Fair will be located at the Schoenecker Arena at the University of St. Thomas campus in St. Paul. More information, including vendors, admission, and parking, can be found at minnesotabookfair.com. Now we're going to listen to Francis Cabrel with Né dans le Bayou, Born in the Bayou. Then Robert Charlebois with California, featuring Louis Forestier. And Daniel Gérard with Memphis, Tennessee. Je suis le sang sur mes jeans. J'étais dans les meilleurs à l'école vaudou des sorciers noirs de New Orleans. Je suis né dans le bayou. Je suis né dans le bayou. Celui qui sèche dans la cour, j'en mange un peu, je danse autour, on dit que c'est bon pour l'amour. Je suis né dans le bayou. En parlant de ça, je suis pas un phénomène, mais je me débrouille pour plaire. J'ai mon beau costard pour les fins de semaine, quand Peggy met sa robe légère. J'suis né dans le bayou. J'suis né dans le bayou. Et je danse sur la terre que j'aime, celle qui se gagne sur la boue. Et je marche dans la belle lumière verte du bayou. Et je danse sur la terre que j'aime, celle qui se gagne sur la boue. Et j'avance, j'avance dans la belle lumière verte du bayou. J'suis né dans un bar au bord d'un marécage par une nuit de lune fine. J'ai appris à marcher dans le fond d'une barque entre les crosses des carabines. J'suis né dans le bayou. J'suis né dans le bayou. La monnaie du soleil, le chaud. Francis Cabrel with Né dans le Bayou, then Robert Charlebois with California featuring Louise Forestier, and then

227 Colfax Avenue North, Minneapolis, Minnesota. Feel free to check afmsp.org for more information. Now we're going to listen to Michel Sardou with La Java de Broadway, then Rupa and the April Fishes with Américaine à Paris, An American in Paris, and then Le Trottoir d'en face with Montana. Montana. Ça swing comme un meudon. On se fonce, on y va. Pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la voie de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vrai, regarde-moi, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. On défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a des bonbons. C'est peut-être pas la voie de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît, elle est teintée de blues et de jazz et de rock. C'est une Java quand même, je t'en remercie. Quand on est 10 ou 12, quand les verres s'entrechoquent, on ne voit plus les problèmes. C'est peut-être pas la voie de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît quand on fait la Java le samedi à Broadway. Ça suit comme un melon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la voie de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. D'être américaine ici à Paris avec tout.